I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Lemon Tree, l'arbre à citron, c'était Fool's Garden sur RTL2. Et forcément, la transition est toute faite pour accueillir Justine Salmon. Bonjour Justine, bonjour Greg. Bonjour. Ah oui, Justine. Enfin, buvez du citron, parce que je te vois plus boire du citron tous les matins. C'est vrai qu'en ce moment, j'oublie un petit peu. C'est pas, c'est, oui, t'as pas tort. Au niveau de la détox, on est comment? On en est où là, au niveau du speak d'antenne là? L'arbre à citron, ça fait penser à Justine Salmon, on fait des rimes et tout ça. Mais non, absolument. Bonjour pas. Thomas de Bonnard. Bonjour Grégory Hacher. Oui, on boit du citron. Hein. On raconte un petit peu les coulisses de l'émission parce que les gens aiment savoir ce qui se passe. On n'est pas sur une détox, on n'est pas sur un summer body. Aucun des deux est sur un summer body là. Là, non. On est sur un burger body. Voilà. Oh, on est très très solidement ancré dans le gras là. Bon bah écoute, merci pour cette saison Thomas. C'est un plaisir de t'avoir tous les matins. Tu continues un peu encore? Je continue encore une petite semaine. Allez, courage, puis après et les vacances. Après les vacances, et on se retrouve le 27 août, c'est ça? Ouais, tout exactement. Bonnes vacances les copains. Merci. Ciao. Bonjour, bienvenue dans le Double Expresso. Bienvenue sur RTL2, il est 6h. Oui. Voici vos premières infos avant Gossip en compagnie de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. L'Élysée sous pression. Emmanuel Macron fait face à une pluie de critiques après la diffusion d'une vidéo montrant l'un de ses proches collaborateurs frapper un manifestant à terre le 1er mai dernier. Alexandre Benalla porte un casque de CRS alors qu'il n'est pas policier. Une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction a été ouverte par le parquet de Paris. Enquête également à l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné en début de semaine prochaine. Le chef de l'État, lui, n'a toujours pas réagi officiellement. Une plainte déposée à Grenoble après la victoire des Bleus dimanche. Ce jeune homme de 22 ans a perdu un œil en marge des célébrations. Il s'est retrouvé bloqué entre casseurs et forces de l'ordre. Les premiers ont jeté des objets sur la police qui a répliqué à coups de gaz lacrymogène et de flashball. On ignore encore la nature du projectile qui lui a fait perdre la vue. Une enquête préliminaire a été ouverte. Un incendie spectaculaire cette nuit à Strasbourg. Le feu a pris dans la zone portuaire des rives du Rhin dans les locaux de la société Soprema. Il n'y a pas de victimes, mais plus de 3000 mètres carrés de bâtiments sont partis en fumée. 131 pompiers ont été mobilisés. Et de deux, après France 4, le gouvernement va supprimer France O. La chaîne des Outre-mer France va disparaître de la TNT d'ici 2020 dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public. Aux États-Unis, Donald Trump persiste et signe en pleine polémique sur sa rencontre avec Vladimir Poutine lundi dernier. Le président américain a décidé d'inviter son homologue russe à Washington à l'automne pour poursuivre le dialogue, dit-il. Il souhaite évoquer plusieurs dossiers, la lutte contre le terrorisme, la sécurité d'Israël, les cyberattaques, l'Ukraine ou encore la Corée du Nord. Les sports, c'est officiel, Neymar reste au PSG. La star brésilienne a clarifié les choses cette nuit lors d'une vente aux enchères au profit de sa fondation à Sao Paulo. « J'ai un contrat, je reste à Paris », a-t-il dit ces dernières semaines. Des rumeurs laissaient entendre que le Real Madrid envisageait de s'offrir l'attaquant. En cyclisme, 13e étape du Tour de France aujourd'hui, 169 km entre Bourg-d'Oisans et Valence. Ce sera sans Vincenzo Nibali, l'Italien blessé lors d'une chute hier et contraint d'abandonner la course. La météo, la matinée sera pluvieuse de la Normandie à la région parisienne. L'après-midi, ces pluies vont se décaler vers la frontière belge, du sud-ouest au nord-est. Là aussi, le temps sera perturbé avec des averses orageuses parfois accompagnées de grêles de l'Occitanie à l'Auvergne, puis sur le massif central et le Grand Est. Ailleurs, du nord de l'Aquitaine à la Bretagne, le ciel alternera entre nuages et éclaircies et il fera beau en Provence et en Corse. Les températures, 17 degrés ce matin à Boulogne-sur-Mer et Château-du-Loir, 18 à Bourges, 19 à Mâcon, 20 à Paris et à Figari, 21 à Bayonne et à Nîmes. L'après-midi, on attend 22 degrés à Quimper, 24 à Paris, 25 à Amiens et Périgueux, 27 à Lyon, 28 à Grasse, 29 à Nancy. 6h03, bonjour à tous et bienvenue dans le double expresso RTL2 de l'été. Oh, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Devinette, qu'est-ce qui a sonné pour la dernière fois ce matin? Mais 10 réveils. Oui, il en faut maintenant une dizaine pour réussir à se réveiller. Mais alors, ça veut dire qu'on est quand même très heureux d'avoir fait toute cette saison avec vous, d'avoir réussi de si jolies audiences grâce à vous, évidemment. Et on va tout donner pour ces 3 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Et on revient le 27 août. Évidemment. Allez, avant Survivor, Radiohead et Pink Floyd, voici Gossip, Heavy Cross dans le double expresso RTL2. Bonjour. It's a cool world to feast on your own. Without you. Express au RTL2 de l'été, Heavy Cross. Grégory Hacher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. 16h07, bonjour et bienvenue dans le double expresso RTL2 de l'été. C'est la dernière en ce qui nous concerne avec Justine. Aujourd'hui, on est le vendredi 20 juillet, on est en pleine forme. Hein. Oui, ça y est, ça y est. Bon, c'est cool. Franchement, on a passé une très belle année grâce à vous, évidemment. On va aller se reposer un petit mois. Et puis en on vrai, vient. Je suis un peu triste, moi, de vous quitter, ah, mais on vous retrouve le 27 août, donc ça va aller. Moi, je suis pas triste. Toi, c'est toi qui es triste. Toi, bah, t'es toi, triste t'es... Bah, je suis content d'être en vacances. Voilà. Ah, mais oui, bien sûr, ça fait toujours un petit pincement au cœur après avoir vécu autant de belles choses. Bonjour à Nico qui est aux manettes. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Ça va, ouais. Ouais, bon, lui, il a fait 5 jours de matin. Ouais, ça va. Ouais, ça va, t'as pas de cernes, toi. Et frais. Bonjour à Max, notre responsable. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Mais on va pas vous mentir, le fait d'enlever les réveils à 4h30 du matin, ça va faire un peu de bien quand même. Oui, ça va être un peu étonnant, en tout cas, c'est sûr. Ah, bonjour à Vivi au standard jeu au 3228, ça va? Ça va très bien, et toi? Bon, c'est cool, bah, très bien. Merci beaucoup. On entame un dialogue, on se fait une petite discussion. Qu'est-ce que. Café. Oui, hein, on papote. Elle a une belle voix, Vivi. Ouais. Très belle voix. Tiens, je voulais te dire, Justine. Allez. Bon, bah, je vais faire plus de grasse mat que prévu. T'avais prévu de dormir en septembre. Bravo, Vivi. C'est une belle promotion. Bonjour à Jules également, qui ronchonne dans son coin, notre coordinateur d'entête. Voici le Survivor. La chanson qui motive dès le matin, Eye of the Tiger, Survivor dans le double expresso, RTL2 à 6h11. L'info expresso, la première arrive à 6h18, Justine. Et ce matin, je vous propose des étoiles filantes à la demande. Ah, c'est mignon, c'est romantique, c'est poétique pour la dernière. Puis on écoutera aussi Radiohead, Creep et Cécilia Krull. C'est la musique de la Casa de Papel.

Dans le Double Expresso RTL de 6h19. L'info de l'été du Double Expresso RTL 2. L'info expresso, trouvée dans la presse ou sur le web évidemment. Et alors là, Justine, tu nous parles d'étoiles filantes. Oui, j'ai trouvé ça sur 20minutes.fr. Alors l'idée peut sembler un peu fofolle, pourtant elle sera bientôt réalité. Une start-up japonaise propose un service d'étoiles filantes à la demande. Hein ? Je vous en dis plus. En fait, l'entreprise se prépare à organiser une spectaculaire pluie de météores. Ce sera au-dessus de la ville d'Hiroshima au printemps 2020. Et ils espèrent ensuite séduire des clients du monde entier. En fait, les satellites seront lancés l'an prochain par deux fusées avec à bord de chaque engin, 400 balles avec une composition chimique gardée secrète. Et puis, il y aura plusieurs couleurs également. De quoi illuminer 20 à 30 événements. En fait, ça, c'est des super feux d'artifice, en fait. Ah bah, plus que super. Ah bah, moi, quand ça brille dans le ciel et ça fait pom pom pom et qu'on regarde ébahi, c'est un feu d'artifice. Le but, c'est de cibler quand même le monde entier. Donc, c'est un géant feu d'artifice. Ouais. Parce que la réserve d'étoiles filantes se trouvera dans l'espace et pourra être distribuée partout. C'est dingue. Chacune des étoiles ne devrait briller que quelques secondes et après elle disparaîtra intégralement au-dessus de la surface terrestre. Ça coûte cher ça quand même, j'imagine. Ça coûte très très cher. La compagnie évalue ça à 20 millions de dollars. Bim. Ah ouais. Le développement. Hein. Oui, donc ils vont nous faire payer ça encore plus cher. Donc si vous avez beaucoup de sous et une envie d'étoile filante, on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Merci beaucoup. Faites des vœux. Oui, ou choper une vraie étoile filante gratos. Voici Cécilia Krull sur RTL. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need. Try to make Going On, c'est le générique, la chanson de la Casa des Papel. Une série qu'on adore. Qu'on adore. L'horoscope ? Allez, médaille de bronze avec les cancers grecs. Vous devrez choisir entre amour et amitié. Bonne chance. Oula, balance. C'est pas simple ça. Et puis bon courage. Vous n'arrivez pas à communiquer. Attention à ne pas vous isoler. Et les sagittaires ? Vous êtes stressés. Posez-vous, faites une pause. Vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous faites les bons choix, suivez votre instinct et tout ira pour le mieux. Taureau. Vous êtes spontané. On prendra du plaisir à être en votre compagnie. Les gémeaux. Votre charme est incontestable. Les gens viendront facilement vers vous. Les lions. Une ambiance chaleureuse aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vierge. Vous avez envie de changement, votre créativité est stimulée. Scorpion. Une discussion vous rapproche d'un de vos proches, ça vous fait du bien. Capricorne. Des projets et des rêves oubliés pourraient bien se concrétiser finalement. Poisson. Vous êtes pleine de fougue ou plein de fougue, vous prenez du plaisir, peu importe les conséquences. Et médaille d'or pour les Verseaux. Alors votre pouvoir de séduction est au maximum, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez en un claquement de doigts. Je veux Pink Floyd. Ça marche. C'est pas Verseau. Ouais, je suis même pas Verseau. C'est encore plus fort, madame. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Boy dans le double expresso RTL2 à 6h28. On va poursuivre notre exploration pop rock avec Imagine Dragons. To me, exploration pop rock, j'en suis là moi quand même. Pour la dernière, je suis en train de t'inventer des lancements qui n'existent absolument nulle part. Et tiens, Justine, j'ai pensé à toi, tu fais beaucoup de mariages en ce moment. Enfin, ah, oui. Pas à toi personnellement, mais tu sais, la saison des mariages. Ouais, c'est 27 robes ma vie. Et ben, j'ai trouvé le mariage le plus écolo au monde. Mais alors, le plus écolo, absolument incroyable. À suivre dans le winner du jour sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer Rag & Bone Man. Ce titre de YouTube. Vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Coldplay. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Chérie, en me garant, j'ai... T'as abîmé la voiture ? Bah c'est super ! Pendant les jours tip-top, Fiat offre jusqu'à 6000 euros de remise sur typo. Top ! Et un taux de crédit exceptionnel. Ah bah tip-top ! Comme la nouvelle série spéciale à partir de 10 990 euros. En plus de l'écran tactile, la garantie 3 ans et de belles jantes, elle a le radar de recul. Ça peut servir. Oui, ça va. Les 20 et 21 juillet, profitez d'offres exceptionnelles sur Fiat Tipo lors des jours tip-top. Offre valable sur Fiat Tipo en stock. Série spéciale, offre sous condition de reprise pour Tipo Berline tip-top 1 litre 4, détails sur fiat.fr. Fiat. Il est 6h30, ça y est, le week-end approche. En attendant, c'est les infos et c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Emmanuel Macron face à une pluie de critiques. L'Élysée pointé du doigt après la diffusion d'une vidéo montrant l'un de ses proches collaborateurs frapper un manifestant à terre le 1er mai dernier à Paris. Alexandre Benalla porte un casque de CRS alors qu'il n'est pas policier. Une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction a été ouverte par le parquet. Enquête également ouverte à l'Assemblée. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, demande que les députés déposent une motion de censure du gouvernement. En Gironde, la police lance un appel à témoins après la disparition de deux enfants. Âgés de 12 ans, ils sont partis faire du vélo ensemble mardi après-midi à Talence. Depuis, aucune nouvelle. Si vous disposez d'informations, les autorités vous demandent de contacter le commissariat central de Bordeaux. Attention aux orages sur la moitié sud du pays. Météo France vient de placer 18 départements en vigilance orange. Cela va de l'Aude à la Haute-Savoie en passant par l'Allier. On attend des averses très violentes, parfois accompagnées de grêles. C'est un nouveau week-end de départ en vacances. Et du coup, on attend beaucoup de monde sur les routes. Dès aujourd'hui, la journée est classée orange au niveau national. Demain, ce sera rouge dans tout le pays, orange dans le sens des retours. Il vous est conseillé de prendre le volant avant 6h du matin. Dans les airs, retour progressif à la normale en Belgique. Le trafic a repris dans la soirée. L'espace aérien avait été fermé en raison d'un problème informatique qui a impacté 6 aéroports. Les avions ne pouvaient plus survoler le pays. Les autres étaient cloués au sol. Aux États-Unis, Donald Trump persiste et signe en pleine polémique sur sa rencontre avec Vladimir Poutine lundi dernier. Le président américain a décidé d'inviter son homologue russe à Washington à l'automne prochain afin de poursuivre le dialogue, dit-il. Le Tour de France maintenant est de 2 pour Geraint Thomas. Deuxième succès en 2 jours pour le Britannique qui a remporté la 12e étape hier à l'Alpe d'Huez. Il conserve son maillot jaune. L'Italien Vincenzo Nibali lui est contraint à l'abandon. Il serait fracturé une vertèbre en tombant à quelques kilomètres de l'arrivée. Une chute provoquée par un spectateur. La météo des plages sur la façade ouest du pays. On attend de la pluie sur la côte d'Opale dès ce matin. Comptez 22 degrés à Deauville au plus chaud de la journée avec une mer à 20 degrés. En Bretagne, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. 22 degrés prévus à Lorient, température de l'eau 19 degrés. Dans le golfe de Gascogne, on attend 24 degrés à Royan et un océan à 22 degrés. Et du côté de la Méditerranée, comme hier, il fera chaud. Le temps restera ensoleillé. 29 degrés attendus à la Grande Motte et une eau à 21 degrés. Enfin en Corse, il fera 32 degrés à Porto Vecchio avec une mer à 26 degrés. 6h33, c'est le double expresso RTL2 de l'été. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Oui, nous sommes vendredi, oui, c'est le 20 juillet. Si vous croisez une Marina, vous lui faites la bise et leur fête aujourd'hui. Bisous et Marina. Évidemment. Imagine Dragons avant le premier winner du jour. Très étonnant, je vous assure. Voici Next to Me sur RTL2. My living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics. politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Pretty view, overlook the mud and mess, always looking effortless and still. Expresso RTL 2, 6h36. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Tu nous parles d'un mariage écolo alors? Oui, c'est un mariage écolo. Tu ne connais pas Cherry Harris et James Manwaring? Je n'ai pas cet honneur. Bon, bah, James Manwaring et Cherry Harris se sont mariés. Voilà, mais ils ont envie de respecter la planète. Ils sont très, très, très écolos. Et la mariée a même, par exemple, porté une robe blanche conçue à partir d'extraits de bambou. C'est ah très oui. bien. Franchement, c'est super. Alors, le couple s'est rapproché pour son dîner de mariage de The Real Junk Food Project. C'est une coopérative, tout simplement, qui récupère des aliments. Écoutez bien, hein, pour le buffet, des aliments destinés à la poubelle des restaurants et des supermarchés pour les redistribuer. Pourquoi pas, c'est économique. Alors, en plus. Bon, ce sont des aliments, je précise quand même, qui sont en réalité encore bons à la consommation, mais les entreprises les jettent pour respecter les règles de réglementation, leur propre réglementation, en matière de sécurité sanitaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment au bord de la LDC, de la date limite de consommation, ou juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà du côté écolo, là, pour le coup, j'imagine le mariage coûte pas très cher. Bah, il peut coûter quand même un peu d'argent, parce que c'est pas totalement gratuit. Ils ont servi ça à leurs convives, qui n'ont pas été prévenus, qui ont mangé. Bah, et ils leur ont dit seulement à la fin du repas. Non, mais ils avaient peur que ça puisse faire un scandale. Mais évidemment, ça craint rien, hein, je précise une nouvelle fois. C'est vraiment une coopérative qui existe. Ça a coûté 5€ par personne pour te répondre. C'est un coût assez bas car l'association ne leur a pas facturé la nourriture, mais uniquement la main-d'œuvre, notamment les chefs qui ont travaillé à l'élaboration des plats. Pour le coup, c'est étonnant. Ça peut paraître pour certains un peu bizarre, mais vraiment, je trouve que c'est un beau geste écolo et puis c'est un bon coût financier. Ah oui, pas bête. Pourquoi pourquoi pas. D'ailleurs, écoutez, on voulait te le dire, nous, pour les petits-déj, depuis 2 ans, on fait que ça, Justine. Vous allez me chercher tout ça à la poubelle. Donc, là, tu vois, ça à la marche. Fin, à 9h, quand tu me dis pourquoi j'ai toujours ces petits boutons de fièvre, bon bah. Ah, mais ça va pas, non. Oh, mais il est noir désir à ton étoile sur RTL 2. Sous la lumière en plein. Et dans l'ombre, en silence. Si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. De mes nuits, ça m'a manqué tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi, sache que je n'oublie rien. Expresso RTL 2 à ton étoile, des étoiles qui brillent, des étoiles qui ne sont pas filantes, des étoiles qui restent. Ce sont les stars du son pop rock qu'on va retrouver en festival. On va en parler d'ailleurs. Hein. Dans le journal des festivals à 6h55. Yes, et puis il y aura Tracy Chapman entre temps. Telling Stories, on écoutera également Zayn Malik, Sia et Fanion Cannibals. Vous êtes sur RTL 2, c'est une bonne idée. Bravo, bon réveil. L'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock.

réveil, tous les matins, 6h-9h, le double expresso de l'été sur RTL 2. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Shut like a jacket, so do yours in. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. Dans le double expresso RTL de Just Still Down. Oh, 6h53, c'est l'heure du journal des festivals. Et direction Civray en Poitou-Charente pour le festival Au fil du son qui va ouvrir ses portes le 26 juillet. Il y aura Vianney, le 27, Catherine Ringer et puis le 28, Chaka Ponk. Le 27 juillet débute également la Foire au vin d'Alsace. Et pour sa 71e édition, il y aura Indochine pour ouvrir le bal, Louane le 28 juillet, Lenny Kravitz le 30 juillet, Francis Cabrel le 31. Qui ça? Parce que moi, Francis Cabrel, je connais pas Francis Cabrel. C'est la fin en vin de Francis Cabrel. Vas-y, Francis. Scorpion, le 1er août. Ah, vous les fermez vos bouches là. Ragged Bonman et Bess Ditto le 2 août, Santana le 3 et Offenbach le 4. Et c'est franchement, c'est un plateau de dingue. C'est dingue. Avec RTL 2, c'est la première édition du Jardin Sonore Festival qui verra le jour ce dimanche. Vous pourrez retrouver sur scène Assaf Avilan, les Négresses Vertes ou encore Madame Monsieur lundi. Ils étaient venus nous voir dans le double expresso RTL. Ils étaient tellement sympas. On leur avait porté bonheur pour... Arrête, c'était pas ridicule. Enfin, le festival Lollapalooza débute demain avec RTL 2 et nous vous ferons vivre le festival comme si vous y étiez. Samedi, nous aurons la chance de voir Dépêche Mode, Casabian, Bastille, Portugal The Man. Dimanche, il y aura Gorillaz, The Killers, Ragged Bonman, Bébé Brune ou encore Tom Walker. T'avais pas l'impression que sur Dépêche Mode, on pouvait lancer un extrait? Ah ouais, c'est vrai. Ah bah ouais. On peut écouter. Dans la foire au vin, c'est la juge, ça. Dans son petit déj. Et donc nous serons en direct depuis le festival dimanche à partir de 17h sur RTL2. Voilà, vous ferez vivre un gros dimanche, 17h, 20h en direct. Si vous êtes du côté du festival, venez nous voir, on aura notre studio délocalisé là-bas. Et on y sera dès le samedi aussi, hein, des interviews, des Facebook Live, des Instagram, tout ce qu'il faut. Hein. J'amène Greg en festival, vraiment, venez, il faut revivre ça. Et gamine, j'y étais avant toi. La gamine. Voici les Fun and Cannibal, She Drives Me Crazy à 6h55 sur RTL2. Cannibals, She Drives Me Crazy dans le double expresso RTL2. La suite, c'est M, c'est Aaron, Jean-Jacques Goldman et Jacob Banks. C'est toujours avec toi, Justine, car il nous reste exactement 2 heures. Oui, avant de partir en vacances et surtout de vous accompagner. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, bon réveil avec le double expresso RTL2. À tout de suite. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Calogero. Vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à diffuser Caléo. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Chez Castorama, nous avons tout pour vous aider à vous lancer dans vos projets. Et pour vous faciliter la vie, nous vous proposons des solutions économiques, comme trouver un bricoleur en moins de 24 heures avec notre partenaire Nidelp pour tous vos petits travaux. En plus, avec Castorama et Nidelp, c'est garanti satisfait ou refait. Alors rendez-vous vite en magasin ou sur castorama.fr pour en savoir plus et trouver le bricoleur qui va faire avancer tous vos projets. Castorama, ensemble on peut tout faire. Liste et horaires des magasins sur castorama.fr. Chérie, en me garant, j'ai... T'as abîmé la voiture ? Bah c'est super ! Pendant les jours tip-top, Fiat offre jusqu'à 6000 euros de remise sur typo. Top ! Et un taux de crédit exceptionnel. Ah bah tip-top ! Comme la nouvelle série spéciale à partir de 10 990 euros. En plus de l'écran tactile, la garantie 3 ans et de belles jantes, elle a le radar de recul. Ça peut servir. Oui, ça va. Les 20 et 21 juillet, profitez d'offres exceptionnelles sur Fiat Tipo lors des jours tip-top. Offre valable sur Fiat Tipo en stock. Série spéciale, offre sous condition de reprise pour Tipo Berline tip-top 1 litre 4, détails sur Fiat.fr. Fiat. Bonjour, c'est le Double Expresso RTL 2. Il est 7h, bienvenue à tous. Et Jacob Banks après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Silence radio à l'Elysée. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis le début de l'affaire Alexandre Benalla. Dans une vidéo diffusée par le journal Le Monde, on voit ce proche du chef de l'État passer à tabac un manifestant qui est au sol le 1er mai dernier à Paris. Une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction a été ouverte. Enquête est ouverte également à l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné en début de semaine prochaine. Une plainte déposée à Grenoble après la victoire des Bleus dimanche. Ce jeune homme de 22 ans a perdu un œil en marge des célébrations. Il s'est retrouvé bloqué entre casseurs et forces de l'ordre. Les premiers jetaient des objets sur la police qui a répliqué à coups de gaz lacrymogène et de flashball. On ignore la nature pour l'instant du projectile qui lui a fait perdre la vue. Une enquête préliminaire a été ouverte. L'une des accusatrices de Tariq Ramadan fragilisée. Elle est la première à avoir porté plainte pour viol contre lui l'an dernier. Hier, elle a été confrontée à l'islamologue suisse et la justice a relevé plusieurs incohérences dans sa version. Le soir où elle affirme avoir été agressée, elle se trouvait en fait à un mariage. Un plan pour une mobilité plus propre. Le gouvernement dévoile aujourd'hui une série d'annonces pour limiter la pollution de l'air. Dans sa ligne de mire, les transports, première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Parmi les mesures attendues, une circulation restreinte dans les zones les plus polluées et une aide financière pour les propriétaires de véhicules écologiques. Un incendie spectaculaire cette nuit à Strasbourg. Le feu a pris dans la zone portuaire des rives du Rhin dans les locaux de la société Soprema. Il n'y a pas de victimes, mais plus de 3000 m² de bâtiments sont partis en fumée. 131 pompiers ont été mobilisés. Les sports, Neymar sera bien au PSG la saison prochaine. La star brésilienne a clarifié les choses cette nuit lors d'une vente aux enchères au profit de sa fondation pour les enfants Sao Paulo. J'ai un contrat, je reste à Paris, a-t-il dit. Ces dernières semaines, des rumeurs laissaient entendre que le Real Madrid envisageait de s'offrir à l'attaquant. Et puis en cyclisme, 13e étape du Tour de France aujourd'hui. 169 km au programme entre Bourg-d'Oisans et Valence. Ce sera sans Vincenzo Nibali, l'Italien blessé lors d'une chute et contraint d'abandonner. La météo, la matinée sera pluvieuse de la Normandie à la région parisienne. L'après-midi, ces pluies se décaleront vers la frontière belge. Et du sud-ouest au nord-est, là aussi, le temps sera très perturbé avec des averses orageuses, parfois accompagnées de grêles de l'Occitanie à l'Auvergne, puis sur le Massif central et le Grand Est. Météo France vient de placer 18 départements en vigilance orange de l'Aude à la Haute-Savoie en passant par l'Allier. Il fera beau en revanche en Provence et en Corse. Les températures, 17 degrés ce matin. À Lille et Château-du-Loir, 18 à Bourges, 19 à Mâcon, 20 à Paris et Figari, 21 à Bayonne et Nîmes. On attend 22 à Quimper cet après-midi, 24 à Paris, 27 à Lyon, 28 à Grasse. 7h03, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bienvenue en ce vendredi 20 juillet, c'est le Double Expresso RTL 2 de l'été. C'est quelques heures avant le week-end, avant les vacances aussi. Ça arrive, ça y est. Vous allez nous manquer, on va aller se reposer un petit peu. Et le son pop rock, lui, ne prend pas de vacances. Voici Jacob Banks. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I've done wrong, I'll pay for it. Your turn to talk for once I'm listening. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm a fool. Look at all this heartache. What is left? forgetting how we started. This is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong. I'll pay for it. But it's your turn to talk. For once I'm listening. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. And all I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Tell me that I'm unknown to you. Chanson, vous l'avez découverte sur RTL2. Avant tout le monde, Jacob Banks, Unknown, il est 7h06. Tous les matins, 6h-9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Grégory Achère et je vous présente Justine Salmon. Et coucou, bonjour Greg, salut tout le monde. J'essaie de le faire un peu à l'américaine, tu sais quand ils donnent leur nom comme ça. Je trouve ça classe. Hi, I'm Gary Barrow. Ouais, tu essaies. Ouais. Alors, c'est bien d'essayer. Oui, mais parce qu'il manque l'accent et le nom ricain, tu vois. Là, bon... Un peu beaucoup de choses. Il manque un peu de trucs quand même. Bon, enfin bon, on est très heureux d'être avec vous, évidemment. Jusqu'à 9h, c'est le double expresso RTL de l'été. C'est notre dernière en ce qui nous concerne pour le double expresso RTL de l'été, mais on revient. Hein. Oui, on revient le 27 août. On va dormir et on revient. Exactement. Bonjour à Nico, qui est aux manettes de l'émission. Hello, mon poulet. Les lèvres américains. From Americani, Nicolas. Yeah. Bon, calme-toi. Bonjour à Max, notre responsable des réseaux sociaux, ça va? Ça va super. Et bonjour à Vivi au standard jeu. Bonjour. 3228, vous l'appelez pour gagner une PS4 à l'occasion de la sortie du film cette semaine, Ant-Man et la Guêpe. C'est l'anniversaire de Carlos Santana. Maria, Maria, j'ai vu mami of a West Side. 71 ans pour le guitariste de génie Carlos Santana. Et j'adore cette chanson. Elle est sensuelle, cette chanson. Elle est sexuelle, même. J'ai rien dit. Non, écoute, il est 7h07. Oui, Nuto, tout ça, c'est l'été. Ah. Bon, bonjour en tout cas. Dis-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Bonne humeur. Eh ben, dis donc, bon courage à ta femme. Hein. Comme tout le monde. Enfin. Ah, c'était trop là. Ouais, c'est la gêne. Hein. Ouais. C'est dommage, tout le monde était sur un truc bien. Et là, d'un coup, on part dans le genre. Bon, bah. Ah, bonjour quand tout. Même. Merci. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste girl. Et je sais qu'elle ma gueule. Non, non, non, y'a pas de lol. Ah, oh, machiste girl. Je me brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade bambo quand j'ai trop bu. Ces magazines nous contaminent. J'préfère encore les fanzines. Pour la télé y'a pas photo. J'préfère Hervé qui fait l'idiot. Moudou image du monde à votre âge. C'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul se satire. Je suis un machiste ador. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de là. Oh, machiste adore. Dans le mouvement d'approche, J'ai le membre en poche et d'un pas pragmatique, je pratique la drague, mais ma poitrine est imberbe. Il faut y remédier pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau à chapeau. Non, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Ici, ça m'attise, t'adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Ah, oh, machiste adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. J'adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. J'adore. Allez, macho, macho, machistador, macho, macho. J'adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. Machistador dans le double expresso RTL2. Je vous imaginais en voiture en train de vous préparer, en train de chanter le j'adore. On le faisait aussi, nous. Hein, on faisait les cas. Ouvre ton micro. On le faisait très très fort. Voilà. Il y a besoin de vacances, la dame. Hein. C'est tout à l'heure, à 9h. Ça suffit, tu me laisses rien passer. Bah non, mais c'est vrai qu'on t'entend pas. À 7h18, l'info expresso. T'as prévu de te marier ou pas prochainement là? J'ai prévu, oui, dans ma vie. Oui, oui, un jour. Bon, bah Barack Obama donne des conseils. Et on va en parler dans l'info expresso. Il y aura l'horoscope, la chanson du jour, la roue pop rock au 32-28 et puis Jean-Jacques. Et vous allez encore chanter dans votre voiture, dans votre salle de bain du Jean-Jacques Goldman. Parfait. À tout de suite sur RTL2. RTL2 présente le son pop rock, le coffret best-of 4 CD. Etiran, Pink, Indochine, Coldplay, Rag & Bone Man, Jane, Imagine Dragons, Maroon 5. Aujourd'hui, envoyez RTL2 au 74 900 et gagnez notre coffret best-of toutes les 10 minutes. RTL2, le son pop rock, le coffret best-of 4 CD, maintenant disponible. 75 centimes plus coût du SMS. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas? Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Il est temps de voir les choses en grand pour votre enfant. Et ça tombe bien, en ce moment, avec la carte gratuite IKEA Family, le lit divan flaqueux est à 229€ au lieu de 279. Rendez-vous vite en magasin ou sur IKEA.fr. IKEA. RTL2 présente la tournée des plages la plus foot de l'été, le FFF Tour 2018. Du 7 juillet au 27 août, initiez-vous au beach soccer. Et découvrez des animations gratuites pour tous tout au long de la journée. Rendez-vous sur les plus belles plages de France avec la Fédération Française de Football. Plus d'infos sur fff.fr et rtl2.fr. Le FFF Tour 2018 avec RTL2, le son pop rock. Champion du monde! Et vous n'avez pas fini de rêver grâce à But. Écoutez ça. Ce week-end seulement, But vous offre 50€ en bon d'achat à partir de 250€ d'achat. Oui, 50€ offerts. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. When you look so good, the pain in your face doesn't show. matin, 6h-9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lay. You know there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings that make the angel. Have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily. As a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Aaron U-turn sur RTL2. L'info de l'été du double expresso RTL2. Et ça va intéresser tous ceux, toutes celles qui vont se marier? Bah oui, parce que c'est la saison des mariages. Là, ah en oui. Ce moment, toi, t'as une trentaine d'années, du coup, 32. Hein. 32 ans. Du coup, là, t'es en pleine saison des mariages. Oui. Alors, pas 42, pour moi, mais je marie mes amis. Je suis en pleine saison des divorces. Arrête. C'était il y a 10 ans que ça se mariait. Maintenant, moi, je réconforte. Oh. Je m'accroche, il y a d'autres qui se réconfortent. Bon, je trouvais sur biba.fr, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui a quelques conseils pour vous avant de vous lancer. C'est assez dingue, parce que l'ancien président des États-Unis connaît un mariage très heureux avec son épouse Michelle, évidemment. Ça fait 26 ans qu'ils sont mariés. Ils sont beaux tous les deux. C'est bien vrai sûr. Que ça fait exemple de couple équilibré, amoureux. On fait un débrief là, du mariage de Barack Obama ou on enchaîne sur la fausse expression. J'aime bien ce couple. D'accord. Alors, il pense qu'il faut se poser 3 questions avant de se lancer dans le mariage pour être sûr que l'on choisit la bonne personne. Alors, première question, est-ce que vous trouvez que c'est une personne intéressante? Il vaut mieux pour se marier quand même. Merci Barack. Deuxième question, est-ce qu'elle vous fait rire? Très important ça. Troisième question, est-ce qu'elle fera un bon pain? Voilà. Alors, à propos de la première question, il explique que notre futur époux ou épouse, c'est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie, donc effectivement, autant que ce soit un minimum distrayant. Là, pour ça, pas de problème. Pour l'humour, vous aimez rire, c'est vrai que c'est mieux de vérifier si la personne a un minimum d'humour. Ça, je suis complètement d'accord, mais c'est essentiel. C'est indispensable. Parce que si tout est boring, ça va être boring. Boring. Et enfin, pour la troisième, encore une fois, c'est de la logique, vous allez élever vos enfants ensemble, autant avoir la même vision de l'éducation. Et ça, c'est extrêmement important, croyez-moi, sur parole. Si vous avez une vision de l'éducation différente... Ça, c'est plus difficile. Ouais. Voilà, bah, il a enfoncé des portes ouvertes, Barack Obama, mais il l'a fait avec classe, tu vois. J'ai envie de lui dire « what else ?» Bah rien à voir. C'est quoi en tout cas? Soyez heureux, soyez amoureux. Ah bah c'est bien, merci beaucoup. Voici Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne. Elle est sur RTL2, c'est normal. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les tobacco roads. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en faune. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois notes plus, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne. La musique est bonne sur RTL2 à 7h24. Voici l'horoscope de ce vendredi matin. Les médailles de bronze, Justine et les cancers. Vous devrez choisir entre amour et amitié. Bonne chance. Les balances. Vous n'arrivez pas à communiquer. Attention à ne pas vous isoler. Sagittaire. Vous êtes stressé, les sagittaires. Posez-vous, faites une pause. Vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Médaille d'argent avec les béliers. Vous faites les bons choix, suivez votre instinct et tout ira pour le mieux. Taureau. Vous êtes spontané, on prendra du plaisir à être en votre compagnie. Les Gémeaux. Votre charme est incontestable, les gens viendront facilement vers vous. Nous avons ensuite les Lions. Une ambiance chaleureuse aujourd'hui et c'est grâce à vous. Alors après, toujours médaille d'argent les Vierges. Vous avez envie de changement, votre créativité est stimulée. Les Scorpions. Une discussion vous rapproche d'un de vos proches et ça vous fait du bien. Les Capricornes. Des projets et des rêves oubliés pourraient bien se concrétiser finalement. Les Poissons. Vous êtes plein de fougue, vous prenez du plaisir, peu importe les conséquences. Et la médaille d'or du jour, c'est pour qui? Pour les Verseaux. Votre pouvoir de séduction est au maximum, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez en un claquement de doigts. Vous allez découvrir là maintenant tout de suite le nouveau Muse. Il s'appelle Something Human et il est sur RTL2. Écoutez ça. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. Let's face La nouvelle chanson de Muse, ils l'ont annoncé sur leur compte Twitter. Le nouvel album est attendu pour novembre 2018. C'est le troisième extrait après Dig Down et Tough Contention que vous avez découvert avant tout le monde sur RTL2. La suite, c'est Fall on Blondes et ma chanson du jour. Je t'ai préparé le King of Pop, Michael Jackson, pour la dernière. Ah, génial. A tout de suite sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Portugal Domain. Alice Merton, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Ed Sheeran. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Je fais un dressing dans ma chambre. Bon, par contre, pour découper mon bois, j'ai besoin de place. Et bon, j'ose même pas imaginer le bazar. On vous répond. À partir de 1 euro, et ça toute l'année, commandez la découpe du bois et du verre en ligne et en magasin. Comme ça, vous avez le dressing sans le bazar. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Chérie, en me garant, j'ai... T'as abîmé la voiture ? Bah c'est super ! Pendant les jours tip-top, Fiat offre jusqu'à 6000 euros de remise sur typo. Top ! Et un taux de crédit exceptionnel. Ah bah tip-top ! Comme la nouvelle série spéciale à partir de 10 990 euros. En plus de l'écran tactile, la garantie 3 ans et de belles jantes, elle a le radar de recul. Ça peut servir. Oui, ça va. Les 20 et 21 juillet, profitez d'offres exceptionnelles sur Fiat Tipo lors des jours tip-top. Offre valable sur Fiat Tipo en stock. Série spéciale, offre sous condition de reprise pour Tipo Berline tip-top 1 litre 4, détails sur fiat.fr. Fiat. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 6 août, recevez 300 euros sur votre carte Confo Plus pour l'achat d'une cuisine sur mesure à partir de 2000 euros. Oui, 300 euros. Et c'est en plus des promos. De quoi donner un beau coup de pouce à vos projets. Conforama. Conditions magasin et sur conforama.fr. 7h30, bon réveil avec le double expresso RTL2 et c'est l'heure des infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Emmanuel Macron sous le feu des critiques. L'Élysée pointé du doigt après la diffusion d'une vidéo montrant l'un de ses proches collaborateurs frapper un manifestant à terre le 1er mai dernier. Alexandre Benalla porte un casque de CRS alors qu'il n'est pas policier. Une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonctions a été ouverte par le parquet de Paris. Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon demande que les députés déposent une motion de censure du gouvernement. Pour ça, il doit réunir 58 signatures d'élus.

Pas loin de ce que les années 90 ont fait de meilleur. Fernand Blanc's What's Up sur RTL 2. RTL 2, la chanson du jour. Elle me met en joie, cette chanson du jour. Et j'espère qu'elle va vous mettre vous aussi en joie comme Justine. On finit la saison de manière totalement culte avec Michael Jackson et son fameux Beat It. C'est une chanson écrite et composée par Michael Jackson et coproduite par Quincy Jones, qui était toujours à ses côtés lors de ses plus grands succès, l'immense producteur musical américain. On est sur le troisième extrait de l'album Thriller. Il y avait eu The Girl Is Mine et puis Billie Jean juste avant. Là, c'est Beat It qui sort. En fait, Quincy Jones, il rêvait d'une chanson rock pour Michael Jackson, et Michael Jackson rêvait lui aussi d'une chanson rock'n'roll, un peu comme My Sharona de The Knack, tu sais. Oui, et c'est notre générique d'ailleurs au début du Double Espresso, si vous connaissez, c'est ce rythme-là. Michael Jackson se dit quand même, pour trouver du rock, il me faut un rocker. Et Quincy Jones se dit, tiens, si on faisait appel à Eddie Van Halen. Van Halen, énorme star rock des années 80. Alors il dit, ok, je viens, gratuitement. Et c'est lui qui joue le fameux solo qu'on va entendre, sauf qu'il sera aidé par Steve Lukather, le guitariste de Toto, parce qu'en gros, Eddie Van Halen, il n'a pas fait grand-chose, sauf le morceau quand même, et le fameux solo qu'on va écouter. C'est donc ma chanson du jour, parmi les singles les plus vendus dans le monde entier. Michael Jackson, Beat It, dans le Double Expresso RTL 2 à 7h38. Michael Jackson et Bennett dans le double expresso RTL2. Et voilà, quand il y a autant de talents réunis, ça ne peut que marcher. Michael Jackson, Quincy Jones, Eddie Van Halen, Steve Lukather, incroyable Bennett dans le double expresso RTL2. J'avais des frissons, moi, tiens. Elle est magique, cette chanson. On va jouer ensemble, tiens, dans quelques minutes. Oui, on va jouer à la roue pop rock. Appelez-nous au 3228 pour gagner une PS4 à l'occasion de la sortie du film Ant-Man et la Guêpe qui est sorti cette semaine. Et puis, on va continuer à danser et être de bonne humeur avec Maroon 5 et Christina Aguilera. Moves like Jagger, il y aura aussi les Rolling Stones, c'est bien produit, Jagger, les Stones, tout ça, bah c'est puis Indochine sur RTL2. Pro, c'est fort. A tout de suite. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir faire de la tarte au prix du week-end, des prix du week-end confit ou de la confiture au prix du week-end. On a compris. Dès aujourd'hui, le kilo d'abricots Origine France est à 1,89€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, calibre 45-50. Chérie, en me garant, j'ai... T'as abîmé la voiture ? Bah c'est super ! Pendant les jours tip-top, Fiat offre jusqu'à 6 000€ de remise sur Tipo. Top ! Et un taux de crédit exceptionnel. Ah bah tip-top ! Comme la nouvelle série spéciale à partir de 10 990€. En plus de l'écran tactile, la garantie 3 ans et de belles jantes, elle a le radar de recul. Ça peut servir. Oui, ça va. Les 20 et 21 juillet, profitez d'offres exceptionnelles sur Fiat Tipo lors des jours tip-top. Offre valable sur Fiat Tipo en stock. Série spéciale, offre sous condition de reprise pour Tipo Berline tip-top 1,4 L. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Décathlon, c'est aussi la joie. Des sports d'été, des randos dans la nature, des journées en kayak à refaire le monde, des sessions surf qui nous laissent la peau salée, des virages en VTT. Ah oui, ça on adore. Et en ce moment, profitez des bons plans chez Décathlon. Venez essayer la chemise de rando Quechua manches courtes Travel 100 pour femmes à moins 50%, soit 9€ seulement chez Décathlon. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. Vous écoutez le dernier Lenny Kravitz, Low, sur RTL2. If you wanna talk to me, know that I am plain to see, yeah. 7h47, c'est le double expresso RTL de bonjour. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On va jouer pour la dernière fois de la saison. C'est la roue pop-rock en ce qui nous concerne, hein, parce qu'évidemment ça se poursuit lundi. Et c'est juste après Maroon 5 et Christina Aguilera, Move Like Jagger sur RTL 2. Avec Christina Aguilera, c'est parfait ça, ça met de bonne humeur. 8h10. La roue pop rock RTL 2. Et c'est Alexandra qui va jouer avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Greg, bonjour Justine, bonjour toute l'équipe. Salut Alexandra, ça va bien? Oui, ça va, je suis émue. Ah bah non, mais attendez, soyez pas émue. Regardez, on est entre nous, c'est les copains, c'est la famille, regardez. Oui. Hop. Elle est cool. Bah bien sûr. Alors dites-moi, vous nous appelez d'où? De vite, à Bourbac-le-Haut. D'accord. C'est eh ben, où? Oui. C'est en Alsace. J'allais dire, c'est, ça doit être en Alsace, c'est en Alsace. Très bien. Ma chère Alexandra, je vois que vous aimez Muse. Vous avez découvert avec nous le nouveau Muse tout à l'heure, qui a été diffusé à 7h35. Il vous plaît ? Oui, pas mal. Bon, et ben voilà, on va se réécouter plusieurs fois. Ça va. Alors écoute-moi bien, Mathieu Bellamy, et toi, le groupe Muse. Pour Alexandra, ça va. Mais attention, oui, on ne soit pas déçu pour ton album en novembre. Il faut une deuxième écoute tout le temps. Tout le temps. Bon, tout on temps, va essayer oui, de vous offrir. On va essayer de vous offrir une console PS4, la PlayStation 4, à l'occasion de la sortie du film Ant-Man et la Guêpe, qui est sorti mercredi avec Paul Rudd et Michael Douglas. Vous connaissez le principe, on a une roue pop rock, on la lance, vous dites stop quand vous voulez, vous me trouvez l'artiste et vous gagnez la PS4, d'accord ? Mm-hmm. Allez, bonne chance, c'est parti. Stop. Oh bah c'est cadeau. Oh le Rolling Stone. Bah oui voilà. Ah, oh, voilà. On n'est plus que deux en studio, hein. Ouais, c'est triste, hein, nos applaudissements quand même là. Mais le cœur y est, Alexandra. Dans l'année, c'est feu d'artifice, festival, des bruits de partout. Là, c'est. Là, ils sont tous en train de préparer le petit-déj. Max a été au marché. Bon. Bravo, Alex. Hein. Oula, gros merci. Bon. Alexandra, oh, attendez. Qui va être content, fondu. Ah, attention. Oh, folie. La PS4, elle est pour vous. On est c'est très super, heureux. C'est gentil. Merci RTL2, merci toute l'équipe. Avec grand plaisir, on vous embrasse, on vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, et vous avez merci, la chance d'y aller. Vraiment. Jouez bien à la PS4. Oui, et petite question. pour la dernière fois de la saison, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2, Alexandra ? Un double expresso, bien sûr ! Oui ! Sur RTL de 8h05. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Je ne vous apprends rien, c'est l'été. Et l'été, il revient hanter vos journées, vos nuits. C'est notre pire cauchemar, la nuit. Le moustique est de retour. J'en ai eu un cette nuit. Oh là là, ah, t'as réussi à dormir. 2h12, il était là. Je faisais ça, du coup je fais des grands mouvements de bras comme un débilos. Il est, évidemment, jamais tu le touches. Moi, j'ai jamais réussi à... Oui, bah, elle attrape les œufs, elle butait, à lui faire la fête. Oh, dis donc. Oh, bah, si. On avait expliqué déjà qu'il nous faisait pipi en même temps qu'il nous suçait le sens méchant. Bah, j'ai autre chose à vous apprendre. Grâce à nous, grâce au double expresso RTL 2, vous allez avoir la bonne astuce pour les repousser, ces moustiques. Sachez que l'installation d'air conditionné chez vous, dans votre location de vacances, par exemple, en plus de vous rafraîchir là, pendant ces fortes chaleurs, permet de faire fuir les moustiques. Le moustique a horreur des déplacements d'air puisqu'il perturbe à la fois son vol et sa faculté sensorielle pour trouver sa cible. Donc vous mettez la clim, l'air conditionné et hop, ça enlève les moustiques. Enfin, à 5 000 € l'air conditionné, tu m'en voudras pas d'essayer de claquer la tête quand même. Hein. Oh, mais écoute, non, parce que moi je veux bien les bons plans de Tata Juju. Les bons plans de Tata Juju. Mais... vous installez une air conditionnée alors avec de l'air. Mais dans votre location pressé. De vacances. Il y en aura une voilà, sûrement. Je sais pas où tu pars en vacances, mais t'as des moyens toi. Oh, même, arrête quand même. Un peu. Ah, écoute-moi. Camping pour gagner. Bah, bien sûr. J'adore en plus. Allez, on y va, voici Indochine, un été français sur RTL 2. Encore un jour dans ma vie où je vais pas envie de rester en place. Encore un lundi sans vie où je ne subis que le temps qui passe. Mardi, c'est l'estomac noué à rester.

Un incendie spectaculaire cette nuit à Strasbourg. Le feu a pris dans la zone portuaire, dans les locaux de la société Soprema. Il n'y a pas de victimes, mais plus de 3000 m² de bâtiments sont partis en fumée. 131 pompiers ont été mobilisés. Allez, on passe au sport, Raphaël, en cyclisme. 13e étape du Tour de France aujourd'hui. 169 km entre Bourg-d'Oisans et Valence. Et ce sera sans Vincenzo Nibali, l'Italien blessé lors d'une chute hier et contraint d'abandonner la course. En football, les supporters du PSG peuvent être rassurés. Neymar sera bien à Paris la saison prochaine. La star brésilienne a clarifié les choses cette nuit. Ces dernières semaines, des rumeurs laissaient entendre que le Real Madrid envisageait de s'offrir l'attaquant. On passe à la météo. La matinée sera pluvieuse de la Normandie à la région parisienne. L'après-midi, ces pluies se décaleront vers la frontière belge et du sud-ouest au nord-est. Là aussi, le temps sera perturbé avec des averses orageuses, parfois accompagnées de grêle de l'Occitanie à l'Auvergne, puis sur le Massif central et le Grand Est. Météo France a placé ce matin 18 départements en vigilance orange aux orages de l'Aude à la Haute-Savoie en passant par l'Allier. Les températures, il fait 15 degrés ce matin à Valenciennes, 16 à Sablé-sur-Sarthe, 17 à Strasbourg, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Paris et Arles, 21 à Bayonne et Ajaccio. L'après-midi, on attend 22 à Quimper, 24 à Paris, 25 à Périgueux, 26 à Nice et 27 à Lyon. 8h03, bonjour à tous. C'est la dernière du double expresso RTL de l'été. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On vous accompagne encore pendant une heure en ce vendredi matin avec le son pop rock de Sixpence, None the Richer. Voici Kiss Me sur RTL 2. Down the Richer, c'était Kiss Me sur RTL de 8h07. Grégory Achère et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. Et c'est notre dernière avec Justine ce matin, bonjour à toi. Notre dernière de la saison, je précise. Bonjour Greg, bonjour à tous. On revient le 27 août. Voilà, exactement. Hein, on revient pour la rentrée. Mais j'oublie pas, ne gronde pas. Bonjour à Nico qui est à la réalisation de l'émission. Bonjour. Ça va bien ? Content, oui. Bah ouais, aussi. Bonjour à Max, notre responsable des réseaux sociaux. Bonjour à Jules, notre coordinateur d'antenne. Bonjour. Et Vivi au 32-28 également, là, au standard jeu. Pour tout vous dire, vous rentrez dans les coulisses de l'émission. On s'est fait un petit déj. C'est Justine qui s'est fait plaisir. Et on a transformé, en fait, le petit déj en trattoria italienne. Bah non, mais ça me fait plaisir. Max a été au marché et nous a acheté plein de bons produits. Et alors, le truc, c'est délicieux, hein, vraiment. Mais alors, personne ne doit s'approcher de nous parce que, évidemment, entre le piment, la truffe, le saucisse, tout ça. Oula! Ça sent fort. Ça envoie. Ah, mais là, j'ai mangé un fromage au piment, les enfants. Non, mais là, il est quand même 8h07. Les gens qui nous écoutent, ils sont au café avec des croissants et pain au chocolat. Là, hein. Là, je rêve que Adil Rami balance l'extincteur. Tu sais, quand il a raconté dans le documentaire, tellement j'ai la bouche en feu. Là, c'est n'importe quoi. En tous les cas, on est très heureux d'avoir passé cette saison avec vous, d'avoir vécu ces beaux moments, ces winners, ces infos expresso, tous ces grands. D'avoir pris tous ces kilos. Merci. Oui. Vraiment, on est content. Ed Sheeran, Happier sur RTL de bon réveil. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. I saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran, c'était Happier dans le double expresso RTL de 8h11. Tiens, si on écoutait un classique de Sia. Pas du tout l'accent.

comes the shame. Sur RTL de 8h19. L'info de l'été du double expresso RTL 2. Et on termine évidemment avec la dernière info expresso autour de la nourriture. Et c'est une info expresso, Justine Salmon. J'ai pas pris 15 kilos dans la saison quand même, hein, je tiens à le préciser. Non. Parce que non, mais vous, tous nos auditeurs sont hyper mignons, mais ils ont l'impression que je mange vraiment comme 12. Ah, c'est vrai? Non, mais c'est ça qui est magique, c'est que tu manges comme 12 et tu grossis pas. Mais quand bien même tu grossirais, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est du plaisir, c'est du kiff. Bref. C'est la vie, j'aime la vie. Je chante la vie, je danse la vie, je te laisse faire cet enfant expresso, je repars au buffet. Que j'ai trouvé sur Femme Actuelle. À Boston, un groupe d'ingénieurs du mythe et un chef étoilé viennent d'ouvrir Spice. Spice, c'est un resto où les cuistots sont remplacés par 7 marmites automatisées. C'est bon, c'est sain, c'est rapide, c'est pas cher, donc c'est des robots qui cuisinent. Oui, mais ils piquent le job des humains, ça me plaît pas. Mais oui, je suis désolé de faire le C'est des plats consistants, élaborés et servis en 3 minutes seulement. C'est la promesse en tout cas de Spice, hein, ce nouveau resto entièrement automatisé. Ces 4 étudiants qui ont eu l'idée, ils étaient agacés de devoir dépenser 10 dollars en déjeuner et dîner à emporter. C'était trop cher et leur appétit sportif exigeait une meilleure nutrition. Leur budget leur permettait pas de ça, à ça. C'est à peu près tout ça. Mais il y avait du vin avec le buffet ou on va le remplacer par un robot. Ils ont ouvert ce restaurant robotisé. Bonjour, c'est Justine Salmon. Ah oui, très bien, et beaucoup moins cher que toi en plus, hein, pour le coup. Vous vous en fichez ce que je dis. Cool, sympa. Mais non, mais c'est pas mal. Je comprends qu'ils avaient envie de manger moins cher s'ils sont étudiants. Ils vont pas rester étudiants toute leur vie. Et en plus, ils piquent le job des grands. Mais ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Turning me off, making me feel like I want too much. Living with you. avec la voix de Phil Collins, That's All, dans le Double Expresso RTL 2. Il est 8h24, on est vendredi matin. Allez, l'horoscope médaille de bronze avec les cancers, Greg. Vous devrez choisir entre amour et amitié. Bonne chance. Balance. Vous n'arrivez pas à communiquer. Attention à ne pas vous isoler. Les sagittaires. Vous êtes stressé. Posez-vous. Faites une pause. Vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous faites les bons choix. Suivez votre instinct et tout ira pour le mieux. Taureau. Vous êtes spontané. On prendra du plaisir à être en votre compagnie. Les gémeaux. Votre charme est incontestable. Les gens viendront facilement vers vous. Lion. Une ambiance chaleureuse aujourd'hui et c'est grâce à vous. Vierge. Vous avez envie de changement, votre créativité est stimulée. Les scorpions. Une discussion vous rapproche de l'un de vos proches, ça vous fait du bien. Capricorne. Des projets et des rêves oubliés pourraient bien se concrétiser finalement. Poisson. Vous êtes plein de fougue, vous prenez du plaisir, peu importe les conséquences. Et enfin médaille d'or pour les Verseaux. Et oui les Verseaux, bravo médaille d'or, votre pouvoir de séduction est au maximum, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez en un claquement de doigts. C'est un peu l'histoire de la vie de Julien Doré. C'est vrai. Séduction, claquement de doigts. Oh là, il a tout ce qu'il veut. Eh bien, c'est le parrain de l'émission en plus. On l'écoute, Porto Vecchio sur RTL2. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Sur RTL de les Red Hot Chili Peppers Can't Stop, c'est possible ça Nico? Bah oui. Bah vas-y. On écoutera aussi le groupe Fun, il y aura Alanis Morissette, Police, le journal des festivals et puis le winner du jour, Justine, le deuxième. Hein. Le deuxième winner du jour, tout à fait, une tout américaine fait. Qui a dû partager sa maison avec un locataire assez étonnant. Bon bah voilà, quand vous entendez Justine dire tout à fait, c'est qu'elle gagne du temps et qu'elle cherche sa feuille. A tout de suite sur RTL2. Petite astuce. Tout à fait. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL2 Summer Party. Mix Pop Rock by Loran et RLP. Pour un début de soirée up-tempo. RTL de Summer Party, les soirs à 19h. Montez le son.

tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the golden meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J-Bucks are flyers in the G-top. Words that blow the meaning into me. My world, I love the tears I drop. To be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world, I love the chains I hop. To be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Can't stop sur RTL 2, 8h37. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Bah allez, vas-y Justine, c'est pour toi le dernier winner de la saison. Un winner trouvé sur leprogrès.fr. Lorraine, c'est une habitante d'Oregon aux États-Unis. Elle a reçu dans son salon un drôle de visiteur. Un puma. C'est en fait invité dans son salon. Il est arrivé par la porte arrière et puis il avait... Voilà. Qui est là? Puma. Bah, c'est le puma. Marrant, pépère. Il a décidé de faire une petite sieste dans son canapé. Enfin. Donc, Lorraine est restée longtemps à l'extérieur de sa maison pour l'observer en sécurité derrière la fenêtre. Elle a voulu se contenter de l'observer. Et puis, un de ses colocs qui a claqué une porte, bien sûr, le bruit a effrayé le puma. Donc là, il était un peu agité. Pour l'apaiser, Lorraine, elle s'est retirée à l'extérieur et elle a observé l'animal endormi depuis une fenêtre. Et elle l'a observé combien de temps, à votre avis? Je sais pas, un quart d'heure, une minute. 6 heures. Mais enfin, 6 heures. Il a roupillé 6 heures dans son salon. Ouais. Ouais. Et ben, les colocs, ils en ont eu marre, donc ils ont décidé de faire du bruit avec des objets pour le pousser à partir un moment. La sieste terminée, le puma, il est sorti sereinement, paisiblement de la maison, il a disparu. Voilà. C'est pas possible, ça. Il a fait une petite visite, bisous, bye. Mais enfin, l'Oregon, c'est Seattle, il y a des pumas là-bas? Écoute, il y en avait un en tout cas. Il y a des docteurs Mamour et des pumas, tu vois, on apprend des choses. Merci Justine et bravo aux pumas et bravo à Lorraine Taylor, amie des pumas, qui l'a regardé roupiller. Je fais pareil avec toi, moi. Je peux rester 6 heures à te regarder dormir dans le bureau du double expresso RTL. N'importe quoi. Si. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but the

9h, le double expresso de l'été sur RTL 2. Sans savoir où poser ses lèvres ou ses pensées. Si seulement j'avais, si seulement j'avais aimé mais d'un seul trait avoir su proposer. Si seulement j'avais, si seulement j'avais. Avec le temps fort nécessaire, les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire. Sans savoir où poser ses lèvres ou ses pensées. Si seulement j'avais. Avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps fort. Nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs, avec le temps fort nécessaire, avec le temps. Avec le temps. Et pendant cette chanson, vous avez entendu les violons caractéristiques quand même du son de Louise Attaque. Il y a Nico, notre réalisateur, qui faisait les gestes du violon. Mais c'est terrible, tu fais très très mal le violoniste, c'est incroyable. Ah bon? Ah mais j'ai jamais vu quelqu'un faire le violoniste comme ça. Ah bah c'est comme ça, c'est... Ah ouais. On dirait que t'as écoute, mal. Il a sa façon à lui. Tu t'es fait mal. C'est du freestyle. Ah, c'est du freestyle. Bon bah très bien. Alors on va enchaîner avec le journal des festivals. Direction Civray en Poitou-Charentes pour le festival Au fil du son qui va ouvrir ses portes le 26 juillet. Vianney sera là le 27, Catherine Ringer puis Chaka Ponk le 28 juillet. Et le 27 juillet débute également la foire au vin d'Alsace. Alors il y a une affiche de dingue, je vous préviens, pour la 71e édition. Il y aura Indochine pour ouvrir le bal. Louane le 28 juillet, Lenny Kravitz le 30, Francis Cabrel le 31, Scorpion le 1er août. Ah, il y en a eu des bisous dans les booms sur cette chanson. Ah bah ça, oui. Ça veut dire qu'il y a eu des bisous. Et c'est pas fini, puisqu'il y aura Rag'n'Bone Man et Bess Ditto le 2 août, Santana le 3 et Offenbach le 4. Ah, c'est un fort roman, hein. Avec RTL 2, c'est la première édition du Jardin Sonore Festival qui verra le jour ce dimanche. Vous pourrez retrouver sur scène Assaf Avidan, Néné Graisse Verte ou encore lundi Madame Monsieur. Et puis le festival Lollapalooza, on vous en parle depuis un moment, ça débute demain avec RTL 2 et on va vous faire vivre le festival comme si vous y étiez. Samedi, nous aurons la chance de voir Dépêche Mode. Il y a Fabian, Bastille, Portugal The Man. Dimanche, Gorillaz, The Killers, Rag & Bone Man, Bébé Brune ou encore Tom Walker. Wow. Et nous, on sera en direct depuis le festival. Si on n'est pas en vacances. Non. On aura une émission dimanche à partir de 17h jusqu'à 20h, je pense. Exactement. Sur RTL2. Un studio là-bas. N'hésitez pas à passer nous voir. Des interviews, diffusion des concerts. Ça va être complètement dingue. On y sera aussi samedi pour vous faire vivre ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Évidemment. Tout le week-end, Lollapalooza. Exactement. Police, So Lonely sur RTL de 8h54. So Lonely à 8h59. Il va être bientôt temps de se souhaiter de bonnes vacances. On a hâte que vous passiez un bel été, évidemment. Oui, il va être temps de dormir. Exactement. Hein, on va hiberner. Le 27 août, mais avant de se dire au revoir, on accueillera Kevin Olivier, évidemment, pour la dernière fois de la saison. A tout de suite sur RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Maroon 5. Ce titre d'Imagine Dragons, vous l'avez entendu pour la première fois sur RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de U2. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl ? Comment ça ? Ah bah oui, le melon quoi. Ah très drôle. Bah si on veut, aujourd'hui et demain ils font le melon charentais jaune à 99 centimes. Moins d'un euro le melon charentais chez Lidl. Et jaune. C'est ça, et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui ? Oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Chérie, en me garant, j'ai... T'as abîmé la voiture ? Bah c'est super ! Pendant les jours tip-top, Fiat offre jusqu'à 6000 euros de remise sur typo. Top ! Et un taux de crédit exceptionnel. Ah bah tip-top ! Comme la nouvelle série spéciale à partir de 10 990 euros. En plus de l'écran tactile, la garantie 3 ans et de belles jantes, elle a le radar de recul. Ça peut servir. Oui, ça va. Les 20 et 21 juillet, profitez d'offres exceptionnelles sur Fiat Tipo lors des jours tip-top. Offre valable sur Fiat Tipo en stock. Série spéciale, offre sous condition de reprise pour Tipo Berline tip-top 1 litre 4. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Les moules sont de retour, cuisinés en recette marinière, fraîches et délicieuses, avec des petits légumes. Pour vous donner la frite, flunchez-les à volonté. En ce moment, les moules frites sont à volonté tous les soirs et le dimanche à 8,95€. Ça, c'est flunch. Flunch, flunch, flunch, flunch, flunch, à fond, flunchez fièrement. Voir conditions sur flunch.fr. Allez, hop, en route vers le week-end et les vacances. On est vendredi, il est 9h. Bonjour. Les infos du Double Expresso avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Silence radio à l'Elysée. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis le début de l'affaire Alexandre Benalla qu'on voit frapper un manifestant au sol le 1er mai dernier à Paris. Une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction a été ouverte par le parquet de Paris. Une enquête est également lancée par l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera auditionné la semaine prochaine. L'opposition dénonce ce matin une affaire d'État. Un plan pour une mobilité plus propre. Le gouvernement doit dévoiler dans la journée une série d'annonces pour limiter la pollution de l'air. Dans sa ligne de mire, les transports, première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Parmi les mesures attendues, une circulation restreinte dans les zones les plus polluées et une aide financière pour les propriétaires des véhicules écologiques. Un nouveau week-end de départ en vacances. On attend beaucoup de monde sur les routes. Dès aujourd'hui, la journée est classée orange au niveau national. Demain, ce sera rouge dans tout le pays, orange dans le sens des retours. Il vous est conseillé de prendre le volant avant 6h du matin. À l'étranger, après Helsinki, Washington, en pleine polémique, Donald Trump persiste et signe. Le président américain, accusé d'être trop complaisant avec la Russie depuis lundi, invite Vladimir Poutine à la Maison Blanche cet automne. Les sports en cyclisme, 13e étape du Tour de France aujourd'hui, 169 km entre Bourg-d'Oisans et Valence. Ce sera sans Vincenzo Nibali, l'Italien blessé lors d'une chute hier et contraint d'abandonner la course. Le Britannique Geraint Thomas est toujours en jaune. En football, les supporters du PSG peuvent souffler. Neymar sera bien là. La saison prochaine, la star brésilienne a clarifié les choses cette nuit. Ces dernières semaines, des rumeurs laissaient entendre que le Real Madrid envisageait de s'offrir l'attaquant parisien. Et puis la météo, Raphaël, alerte aux orages cet après-midi dans 18 départements. Oui, sont concernés la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'est de l'Occitanie, de l'Aude à la Haute-Savoie en passant par l'Allier. Ailleurs, il pleuvra de la Normandie à la région parisienne ce matin. L'après-midi, ces pluies se décaleront vers la frontière belge. En revanche, il fera beau et chaud en Provence et en Corse. Les températures de 13 à 23 degrés pour les minimales, de 21 à 34. Plus chaud de la journée. 9h03, c'est la fin du Double Expresso RTL 2 de l'été en ce qui nous concerne. Nous allons accueillir celui qui va nous remplacer dès lundi matin, c'est Kevin Olivier. Bonjour Kéké. Salut Greg, salut Justine. Coucou, il est là notre courageux. Il est là notre courageux. Une petite semaine. Hein. Après les vacances quand même. Ah, tu fais qu'une semaine? Une petite semaine. Oh, moi je croyais que tu faisais tout l'été. Non, non, une petite semaine. Enfin, je referai une semaine plus tard. Enfin, c'est comme ça, ça va, ça vient. C'est découpé quoi. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci à vous. Priorité, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, grande priorité. Je me suis bien aperçu de ça. Ah, tu permets. Un grand merci à nos auditrices et nos auditeurs parce que vous avez jamais été aussi nombreux. Oui. Et vous avez offert à toute l'équipe du Double Expresso une saison record. C'est vraiment des chiffres fabuleux. On voulait vous remercier, vous applaudir, vous dire Merci, merci, merci avant de partir en vacances. Du coup, on va remercier également toutes celles et tous ceux qui ont travaillé dur sur cette émission en dehors de Juju et de moi. On va remercier Jules, Jérémy, Momo, Vivi, Sorge, Max, Raphaël, Fabienne. J'oublie personne ? Jonathan, évidemment. Ah oui, Jonathan. Oui, c'est vrai. Je voulais juste le vexer. Ouais, mais il dort, il nous écoute voilà, pas. Celui-là. Évidemment. Et Stouff également. Et Stouff. Il y a vraiment du monde qui bosse dur. Tous les jours très tôt pour vous offrir une belle émission. C'est une belle équipe. Voilà. Et c'est Justine qui prend toute la nourriture et tout le salaire. Oh, je tiens à vous le dire avant de dénoncer. Hein. Non, mais alors, vraiment, je veux bien qu'on blague. Non, mais je veux bien qu'on blague, mais vous savez que les gens, les auditeurs viennent me voir. Ils croient vraiment que c'est vrai ce que vous dites, que je mange comme 12. Ça va. À un moment, non. Non, par contre, pour l'argent, c'est vrai. Autant la nourriture, je dis pas, mais l'argent, c'est vrai. Passez une belle. Bel été. Dis que c'est pas vrai. Ouais. Et passez un bel été. Je rêve. Passez un bel été avec toutes les équipes Pop Rock. À dimanche quand même. On se voit pour Lollapalooza. À 17h-20h pour la spéciale en direct depuis le festival. Et Justine, on se revoit le 27 août. Allez, gros bisous, bonnes vacances. On vous embrasse, salut. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We stuck and running from your bullets. Rémi Frérot, revoir sur RTL 2, le son pop rock. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire du temps qui passe, de la hauteur à ceci n'est pas un au revoir, alors je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir. De la hauteur, oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Solo sur RTL 2, on reconnaît parfaitement la touche du duo Frérot de la Vega. Et je vais vous dire, c'est parfait pour l'été, même si c'est moins ça côté météo pour une large partie du pays aujourd'hui. Mais ça va se remettre, et puis de toute façon sur RTL 2, on s'est promis de vous faire passer les meilleures vacances possibles. Donc on reste dans cette idée avec Muse, Les Innocents et Zazie sur RTL 2. RTL 2, partenaire des plus grands festivals. Ce week-end, Lollapalooza, le mythique festival américain, revient à Paris. Kaleo, Gorillaz, The Killers, Rag & Bone Man, Noel Gallagher's High Flying Birds, Portugal The Man, Depeche Mode. Dimanche à partir de 17h, l'équipe du Double Expresso RTL 2 vous fait vivre en direct Lollapalooza Paris 2018. Interview backstage, extrait de live en exclu. Lollapalooza Paris 2018, forcément avec RTL 2. La radio pop rock. Depuis 220 ans, l'anis Duval met du soleil dans votre verre. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été. Duval, 220 ans d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Alors, je vous fais un brushing cette fois? Oh, je préfère quand c'est... La discount, je dois filer. Aujourd'hui, la barquette de vin Chipolata Origine France ou de Merguez est à 3,99€ le kilo chez Netto. Ça, ça décoiffe. Netto, le discounter qui fait la différence. Merguez transformée en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Les Ormes de Cambrasse. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les Ormes, les Ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les Ormes, les Ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût? Les Ormes, les Ormes. Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les Ormes de Cambrasse. Les Ormes de Cambrasse, vin du Pays d'Oc.